Chapitre 9. Jésus réunit les 12 disciples et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les esprits mauvais et de guérir les maladies. Puis il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien avec vous pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux chemises chacun. Partout où l'on vous accueillera, restez dans la même maison jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Partout où les gens refuseront de vous accueillir, quittez leur ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un avertissement pour eux. Les disciples partirent. Ils passaient dans tous les villages, annonçaient la bonne nouvelle et guérissaient partout les malades. Cependant, Hérode, le gouverneur, entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait qu'en penser, car certaines personnes disaient « Jean-Baptiste est revenu à la vie ». D'autres disaient « C'est Élie qui est apparu ». D'autres encore, l'un des prophètes d'autrefois est revenu à la vie. Quant à Hérode, il disait, j'ai fait couper la tête à Jean. Qui est donc cet homme dont j'entends rapporter toutes ces choses? Et il cherchait à voir Jésus. Les apôtres revinrent et racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les emmena et se retira avec eux seuls vers une ville appelée Bethsaïda. Mais les foules l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit, leur parla du royaume de Dieu et guérit ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages et les fermes des environs pour y trouver de la nourriture et un logement, car nous sommes ici dans un endroit isolé. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, » répondirent-ils. « Voudrais-tu peut-être que nous allions acheter de la nourriture pour tout ce monde ?» Il y avait là, en effet, environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Les disciples obéirent et les firent tous asseoir.